frère portait du Dior, tout comme Robert Downey Junior. Plane sous le tonnerre comme des lucioles, avec des grosses merdes, faudrait que je fusionne. J'suis en colère, j'connais qu'une lionne dans mon Vosserre. J'dormais dehors, Paris, Rotterdam, Corée du Nord. Un revolver chromé, j'ignore toutes ces putes d'adversaires qui ont pas de cœur. J't'exécute et j'refais mon classeur. Souhaite que j'chute, mais j'enlève mon majeur. J'suis le père fondateur, j'suis le fécondateur. Tous mes frères n'ont pas peur, j'ai rechargé le Zifu. Maintenant je ne ris plus. Cousin, tu sais très bien où tu te situes. Tu as un certain âge, mais tu restes une petite pute. Le côté obscur a pris le dessus, tu dois préserver l'équilibre. Faut que t'arrêtes avant qu'il te tue, tes travaux tu dois les finir. La nuit dernière j'ai fait un rêve où je voyais tous ces peepers morts. Al Capote, le briseur d'os, le rimeur gore, je vise leur torse. Je mène le même train de vie qu'un dealer drogue. C'est archi simple, je retrouve le chemin dans les labyrinthes. Moteur, 4 cylindres, je vais plus vite que dans Taxi 5. Je tiens des propos horribles, je vise des bolos au pif. Aucune philosophie, j'ai la meilleure automobile. Je respecte l'écologie et l'ordre chronologique. Une longue autonomie, j'ai la meilleure automobile. Je fais sortir tous les crabes de l'île et je te fais saigner des yeux comme Daredevil. Surtout ne te fais pas de bile, ça suffit pour des points de vente et des places de deal. Parle de grammes de kill et de dresser toutes ces chaînes dans un sale chenil. Je perds pas le fil, cap le style nouvel album, c'est le cas 2000. Je suis pas le véhicule auquel tu penses, je réagis dans n'importe quel contexte. Je suis le seul modèle du genre, mes circuits sont très complexes. Je pose sur des sons de trap de drill et à chaque morceau je rajeunis. J'arrive sur scène avec le max de stream, j'm'en bats les coups de faire un max de stream. Je te déconseille toutes ces ogresses qui traînent dehors bien après minuit. T'es le seul humain que je connaisse, compatible avec les circuits. Solo sur la route, mais on taille à deux. Deux visages de mes ennemis tailladés. À chaque génération, il y a un élu. C'est quand je touche ma ration que je suis ému. Malgré la victime, je vois du bon dans ton cœur. Réponse virtuelle dans mon transpondeur. Tu es meilleur que Megan Fox en Transformer. Ou des Instagram dans Transporter. Ce n'est pas moi qui suis au volant, toujours naturé sans colorant. L'empereur. Je sens d'ici des slips odorants. Allons exterminer mes opposants. Je tiens des propos horribles, je vise des bolos au pif. Aucune philosophie, j'ai la meilleure automobile. Je respecte l'écologie et l'ordre chronologique. Une longue autonomie, j'ai la meilleure automobile. Je tiens des propos horribles, je vise des bolos au pif. Aucune philosophie, j'ai la meilleure automobile. Je respecte l'écologie et l'ordre chronologique. Une longue